Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès C'est fou, édition week-end. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou, édition week-end pour la semaine du 11 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est notre première semaine de la saison et donc notre première édition du week-end. Et vous allez avoir tout un nouveau format. Extraordinaire. Justement, on va l'expliquer dans quelques instants, tout en détail, ce nouveau format-là. Mais l'important avant ça, c'est de savoir ce qui nous attend pour les quatre prochaines heures. Oh, absolument. En deuxième heure, vous allez avoir la portion mishmash dans laquelle, Mathieu, t'es comme tout seul. Malheureusement. Momentanément, on sait pas comment ou pourquoi, mais t'es pas là. Écoute, c'est des choses qui arrivent, je fais de la magie comme ça. Tu vas nous présenter la chronique nostalgique C'était fou et tu vas dire aussi au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis avril dans Palmer Rest in Peace. Ouais. Ensuite, en troisième heure, ce sera la portion top 10 avec évidemment les positions 10 à 6 et tu nous as fait une petite chronique aussi, l'huile de palmarès. Oh, que oui. Et finalement, en quatrième heure, vous allez avoir la portion top 5. On va finalement savoir si Louis-Philippe Gingras et White Horse tiennent toujours bon au sommet de nos palmarès anglo et franco ou s'ils se sont évincés. Mais on commence avec la première portion de l'émission, les nouvelles entrées. Donc la rafale des palmarès C'est fou, édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour l'édition week-end des palmarès C'est fou. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une nouvelle semaine avec notre formule quotidienne. Oh oui, en direct du lundi au jeudi de midi à 13h et en version week-end les samedis à partir de midi. Pour Tania Baudin et moi-même Mathieu Plante, bon week-end, allô! Bye! Bye.